aime ça le rock'n'roll, tout le monde aime ça le rock'n'roll. Même si c'était punk rock'n'roll, punk rock, punk rock. Punk rock, punk rock. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon début de tangage. C'est important de tanguer. De se laisser aller. Comment t'appelles ça, donc? Se laisser porter par le sommeil, par l'amour, par la nos pensées, par une vague de création, une vague musicale, une vague sonore. C'est KRL est là pour la vague sonore. Quand Dieu était une femme, nous portions tous des talons hauts et tout allait si bien. Quand Dieu était une femme, l'homme s'en donnait à cœur joie et surtout à corps joie devant les miroirs de l'inversion. Nous saignons de rage dans le plasma universel. C'est une hémorragie féminine sur le codex. Le codex, madame, ma codex. Ouais, monsieur aussi codex. C-O-D-E-X. C-O-D-E-X, codex. C'est un O, un D, c'est un E avec un X. Rassemblez toutes ces lettres, vous et les codex. C'est O, les X, codex. De l'humanité. On reprend. Quand Dieu était une femme, nous portions tous des talons hauts. Et tout allait si bien. Quand Dieu était une femme, l'homme s'en donnait à corps joie devant les miroirs de l'inversion. Nous saignons de rage dans le plasma universel. C'est une hémorragie féminine sur le codex de l'humanité. Lucien Francœur, mon ami Lucien, il dit plus loin, « Nous sommes des reprises de cérémonies instamatiques dans les temples où sont stockés nos fragments d'oraison polyphonique. » Polyphonique. C'est pas la polyphonique corse, madame. Connaissez-vous ça, la polyphonique corse? C'est du beau chanter, ça, là. C'est pas du c'est, ben non, c'est loin de la pop. C'est du... Ouais, mais ça, c'est pas grégorien, ça? Grégorien Charles, sors de ce corps, mon Dieu Seigneur! Ça saigne à cœur joie. À cœur joie, ça, c'est bon, les gens qui se demandent où se trouve cœur joie. Parce qu'il faut se poser des questions. C'est important, même si c'est quelque chose pour nous d'anodin. Peut-être que pour toi, l'intellectuel de premier ordre, te dire où se trouve cœur joie, c'est comme demander à Yolande, passe-moi le ketchup. Le ketchup. Vous dites ketchup, ketchup. Ben oui, le ketchup. Le ketchup, le ketchup. Ah, ça peut durer des heures et des heures, là, où est le ketchup? Alors. Donc, se trouve qu'en disant, c'est important de savoir ça. Surtout si tu veux y aller. Si tu veux pas, ben, c'est peut-être un peu moins primordial. Intéresse-toi à connaître les prénoms de tes camarades. Comme ça paraît moins pire. Et toi, je l'ai sur le bout de la langue. Et l'avoir sur le bout de la langue. Ce serait peut-être bien important de la couper, la langue, à un moment donné, puis d'essayer de lire. Attends, je l'ai sur le bout de la langue, là. Puis, j'ai pas assez de grandeur. Moi, je fais pas partie de la formation Kiss. Vous savez, le chanteur du groupe Kiss. Groupe insignifiant, là, qui n'a rien apporté à la musique, là, comme bien des groupes, que Scorpion, ça n'a rien apporté à la musique, Pink Floyd, ça n'a rien apporté à la musique. Nick Cave, ça, là, écoute, Julian Cope, oh, the Hanjaisen de nos bâtons. Le groupe new-yorkais. Sonic Youth. Tout ce monde-là ont contribué à l'évolution sonore musicale. Hey, en parlant de révolution sonore, John Zorn, Céline Bidon. Céline Bidon, elle n'est pas connue là, encore. Là. Elle va faire Las Vegas, Céline Bidon. Ah, puis elle ne fera pas des bidons. Eh bien, elle va remplir ses bidons d'or. Mais je lui ai suggéré, parce que bon, moi je vous ne saviez peut-être pas, là, mais je cherche la vedette pour me la mettre sous l'aisselle et la faire grandir. Ça, c'est comme des cretons. Vous savez que pour que le creton soit quand même comestible et surtout d'un goût hors de l'ordinaire, vous placez ça sous l'aisselle, vous mettez ça dans des typos, vous vendez ça. Bien sûr, c'est dans le marché noir. Marché noir, c'est important de savoir où se trouve le marché noir parce que c'est pas très, très éclairé, c'est noir. On nous l'a jamais sur Google, là, tu fais Google Maps, le marché noir, là, c'est où le marché noir, madame? C'est-tu comme le monsieur disait tout à l'heure, le monsieur? Monsieur Lani. Ouais, de Raid. Ben, il faut pas le mentionner où se trouve le marché noir parce que c'est un marché où, anonyme. C'est un marché clan. Rapproche-toi, je peux pas parler trop fort, là. Non, non, non. C'est clandestin. Arrête de jouer avec ton... clandestin! Arrête de jouer avec ton tympan! Clandestin! Peste! Mais regarde-moi l'autre. J'ai pas de... destin. Clandestin. Il n'y a pas de destin dans le clandestin. Non, surtout pas. On peut vous le dire. Je me sens comme la voyante, moi, là. Moi, je vais vous éclairer ça, le clandestin, moi. Un jour ou l'autre, comme on dit chez nous, tu vas te faire pogner. On dit ça chez nous. Chez nous, là, au coin de la 3 et de la 4, là, on le dit. On n'a pas peur. On n'a pas peur de prendre le mot, de se le mettre en bouche. On ne l'a pas sur le bout de la langue, nous autres. On l'a dans la bouche. On le garde là-dedans, dans la chaleur, comme chantait mon ami Albin de la Simone. Il pleut dans ma bouche. Eh, monsieur, il pleut dans ma bouche. Nous, on prend le mot, on se la porte en pleine gueule, puis on le restitue le soir après avoir parlé de Boris Vian, de Boris Vian, et de Boris Vian. Hein? Tu connais pas le grand... Ça prouve que je suis très fatigué, mademoiselle. Mademoiselle, ça prouve que lorsque mon dialogue... tente de se taponner le gorlot. Quand tu taponnes le gorlot, tu te répètes. C'est comme si l'instantanéité du moment ne veut pas sortir, ne veut pas prendre sa place, ne veut pas vaillir personne, mais vaillir. Jaillir. J'ai une petite crampe au niveau de la molaire, là, mais c'est... Avez-vous des crampes au niveau de la prothèse dentaire? Arrêtez de trouver tous les niveaux, vous allez toujours vous trouver en bas. Mon prochain appartement, ça sera pas au sous-sol, moi, ça va être au sous-sous-sol. Quand je vais cogner sur mon plancher, là, m'a dérangé les intraterrestres. M'a rentré en communication, puis en plus, moi, en haut, ça fait longtemps que je suis branché là-dessus. Parce que la station, c'est KRL. C'est des ondes. Des ondes, c'est propulsé dans les airs, pas sous la terre. Fait que là, ça fait des années que je m'intéresse. Mais je ne m'intéresse pas. C'est eux qui s'intéressent à moi. Donc, ils viennent vers moi. Comme mes employeurs. Moi, je ne vais jamais voir l'emploi. C'est l'emploi qui vient vers moi. Bon, je sais que ça fait un peu prétentieux, là, mais... Non, mais quand on voit un joueur de hockey... Hein? Ça, on va mettre ça dans très facile, là. Un exemple des plus basiques, ou basic instinct, un film de merde, mais des jambes sublimes. Mais, pardon, mais je veux dire, les gens, ce qu'ils allaient voir, c'est merveilleux, oh mon Dieu, merveilleux d'incompétent. Puis surtout, c'est pas compliqué à comprendre. Moi, j'ai vu ma fille Einstein, je n'ai pas compris, je suis pas un petit film. Ben oui, c'est ça. Mais j'ai payé 5,75 $ à l'époque. Combien? 5,75 $ à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ça serait quoi, 15$ aller voir un film, 15-16$? Pourquoi ne pas encourager nos cinéastes underground? Là? Il y en a plein de cinéastes underground. Celui qui plante sa caméra, qui n'est pas en 16 mm, Super 8, 35, oh, non, c'est du numérique. Qui plante son numérique sans se faire arrêter par la police. Quand tu te plantes normalement, là, la police arrive. Oui, oui, oui, oui. Non, monsieur le popo. Non, popo, je reste popo. Je reste pas longtemps, puis je reste popo poli. Non, vous, monsieur le popo, pas de problème. Moi, popo, pas là pour longtemps. Moi, je place ma cam, je place ma cam là. C'est pas de la drogue, c'est une cam. Véra, tu me la voleras pas, toi, là. Comment ça, confisqué, oui? Tu sais même pas ce que ça veut dire, le mot confisqué, mon insignifiant, à calotte, mon gars de droite, presque. Tu touches l'extrême. Arrête de toucher l'extrême droite, mon espèce de cochonneux. T'es un cochonneux. C'est pour ça qu'on te respecte pas. On te roule dans la boue. Tu perds des plumes, mon champion. Tu perds des plumes. Là, c'est de l'art qu'on fait là. Nous autres, on filme en direct. On essayait de le filmer en reprise, mais c'était compliqué. Mais c'est parce qu'il fallait placer la caméra. C'est pas quelque chose de... Non. C'est légal. C'est de l'analepse. C'est le retour en arrière. Ben, dans notre jeunesse, mais il n'y a pas de pédophilie. Mais non, vous voyez le mal partout, vous? Moi, je vois la partout, partout, mais vous voyez le mal partout. Êtes-vous le même dans la vraie vie, vous? Votre femme, ça doit être votre chum. Moi, écoute, j'ai pas de problème. Gars, fille, gars, chat, bah, mon doux Seigneur. Ah ouais, donc swing ta compagnie. Les hommes, aux hommes, les femmes, aux femmes, les hommes, aux deux, les femmes, aux papas. Il n'y a pas de problème là-dedans, moi. C'est votre vie privée, la mienne reste privée. Mes poupées gonflables ne divulguent absolument rien. Quelquefois, elle se dégonfle. C'est normal. C'est comme des pneus de scooter électrique. Tu repompes. C'est comme une danse, hein? Elle pompe, tu repompes, elle pompe, tu pompes, tu pompes, tu pompes. Non, j'ai mis... Ça, là, enlevez ça de votre esprit, monsieur. Puis j'allais dire de votre tête, vous n'avez pas. De votre esprit. Je n'étais pas en train de rédiger la police, pas du tout. Je respecte la force constabulaire quand elle-même me respecte. Quand elle me voit de haut, je la vois de bas. Les hauts et les bas d'un Reynald, ça c'est au quotidien. Mais ça se porte quand même assez bien. Hein, quand, ça fait, on dit souvent, je ne suis pas né de la dernière pluie. Dommage. Comme ça, tu serais tout le temps surpris de voir « Oh! Oh! Un arc-en-ciel! Oh! Une fleur qui pousse! Oh! Hein, ça, oh! C'est beau, hein? » Ça, c'est un rire étrange. Hein? Oh, faudrait que est-ce que je peux aller au rat pardon? Rather Prozet. Oh, c'est bon. Il faut prendre deux octaves en même temps. Il faut que tu te coinces le gargaton. Puis, comme Boujna. Oh, je l'avais tantôt, mais en tout cas. Et puis, comment ça va, vous? Comment ça va, vous? Ça devrait pas aller, là. Ben non, voyons donc. Fin février, bonhomme est parti. Ben pas votre mari, là, mais le bonhomme avec le sourire. À Québec, on a le bonhomme c'est fini, enfin. Bon, fini les conneries, là. Là, il va aller s'expatrier en Floride. Moi, j'ai rien contre ça. Moi, des coups de soleil après des bonhommes de neige. Oh. Pas de problème. Et sinon, vous, ça va bien, madame... Oh oui, j'ai trouvé des textes, des anciens... Attention, je vais me pencher. Attention, mais je vais prendre mon micro. C'est amovible, cette petite affaire-là. Là. Puis surtout qu'on n'est plus filmé, donc on peut se promener. C'est plaisant. Là. Oui, je sais, j'ai enlevé le... Ben, écoutez, le cinéaste Andrew... Ben, c'est la cinéaste And the Louises, ma mère Liz, ne pouvait pas être là pour filmer depuis le début de mes séances rénaliennes. Donc, j'ai décidé moi-même de m'arrêter. Je m'arrête souvent. Moi, je me suis acheté des menottes à l'occasion de ces festivités, privées. Bon, c'est privé, il ne faut pas dire ça à tout le monde, là, que je m'arrêterai. Je me mets les menottes, je me bloque, puis le plus intéressant, c'est quand j'avale les clés. Oh, ça prend quelques... Des fois, ça prend une journée et demie avant de pouvoir me débarrer, puis ça graisse en même temps. Hein? Godard disait d'elle... Je recommence parce que moi, je fais parler Godard, comme je fais parler plein de monde. Madame Gaétane, Madame Brisebois, Madame Brisebois. Allô? Madame, c'est Monsieur Brisebois. Je vous ai dérangé. Madame Brisebois n'est pas dans des conditions. Minuit 22. Non, mais ça fait quoi? Ça fait 43 ans que vous êtes ensemble? Puis vous avez encore des fantaisies de... C'est rassurant pour les jeunes couples qui aujourd'hui ne savent même plus quoi faire. Avez-vous un guide? Vous êtes en train de rédiger ça, il me semble, hein? Ça sera disponible en 2016. À la vôtre. Mais oui. À la fin 2016. Une vingtaine de pages. C'est important, ça, la concision. Plus c'est épais, plus c'est confus. Normalement. Les esprits clairs, à quoi sert de faire des... Non, c'est... synthétiser, c'est si beau le synthétiseur. Hein? Synthétiser, c'est si beau le synthétiseur. Êtes-vous musicien, mon cher monsieur, vous? OK, c'est... Vous avez sorti le... on me dit à l'oreille que le livre sera... Oui. OK. Bon. OK. Éclairez-moi davantage. Là, on vient de me dire que dans... Oui, OK, merci. Lorsque vous allez sortir votre livre, un disque sera inclus avec vos plus grands succès. Mais là, ce qui est étrange, mon cher monsieur, c'est que... Puis là, je ne veux pas non plus vous mettre mal. Oui? Oui, j'ai un petit tout au niveau de la buccale. Je veux pas vous rendre mal à l'aise. Mais là, prenez-vous le public pour des imbéciles? Parce que là, le plus grand succès, c'est le premier album. Comment vous pouvez faire un premier succès après un album? C'est du charlatanisme, ça? Vous n'êtes pas un autre dans ce même... Vous suivez ces directions factices et faciles. En fait, vous, le dollar parle tout seul. Oh? Y avez-vous coupé? On n'a pas payé notre... Monsieur? Allô, monsieur? Monsieur? Allô? Peut-être que c'est pas monsieur. C'est madame qui avait des mots... Pouvez-vous rappeler, madame Rita? Lâche-toi le... Bon, signal, c'est... S'il te plaît. On est en onde. S'il te plaît, signal. On doit se vous voyez. S'il vous plaît, Rita, signalise. Au plus ça crise, au plus ça crase. Mais pendant ce temps-là, là, Godard disait d'elle, elle chevauchait Bergman et glorifiait Méliès. C'est moi qui ai fait parler Godard. Il n'a jamais dit ça. C'est pas gentil, hein, monsieur? Hey, on a retrouvé la ligne! Vous avez raccroché, monsieur? Vous sentiez la soupe chaude? Puis là, est-ce qu'on peut dire quelle soupe que c'était? Là? La soupe au pois. C'est pour ça que ça va... ça va vous chercher à l'intérieur, hein? Puis en haut, il y en a juste un petit. Un petit poids, puis dans... il y en a un petit aussi. Al-Qaïda adorait son style incisif. Le regroupement extrémiste disait de cette marginale... Hein? Voyons donc, je t'ai écrit ça à quel moment ton existence, là? C'est... Ça, c'est du papier que j'essaie de froisser. C'est pas ma chemise que j'ai lavée et qui a séché et raidi. Raidi. C'est de l'anglais, raidi? Raidi, d'accord. Raidi, vas-y. Tranché mince. Au four 250. Pas de beurre. Faut que ça brûle. Je sais, viande, faut que ça saigne, mais moi, faut que ça brûle. Faut que ça brûle! Pou, pou, pou, pou. Les rideaux et monnaies, allez, monnaies, faut que ça brûle! Pou, pou, pou, pou. Faut que ça brûle, le succès. Je sens le brûler, mais je sens le succès également. Al-Qaïda adorait son style incisif. Le regroupement extrémiste disait de cette marginale. OK, là, je sais, là. Bon, voilà. Je viens de prendre le fil de mon texte. Je l'ai écrit il y a à peu près 4-5 ans. Al-Qaïda adorait son style incisif. Le regroupement extrémiste disait de cette marginale, elle filmait à la mitraillette. Mais je voulais dire, elle filmait à la Kalachnikov. Mais je ne savais pas comment le dire et comment l'écrire. Kalachnikov. Êtes-vous un fusil, Kalachnikov? Nikov. Non, moi, j'ai ni coffre ni souci. Il n'y a pas d'or dans mon coffre. Je ne suis pas le pirate de trop de boules. Je l'ai perdu. Ben, c'est le pirate ma boule qui a perdu sa boule. Il a lâché dans mon tabon. Il paye tout le pampon. C'est là où tu joues pampon. Quand tu joues avec ton pampon, c'est le pirate ma boule qui a perdu sa boule. C'est le pirate ma boule. Léo! J'ai la gorge ferrée! Léo! Attends un peu, baisse le Léo! Léo! Un soir, tu criais, tu disais, tu nous envoyais ce nom, Richard! Un dernier pour la route. Mais moi, c'est Léo. Les pas trouvé, ouais. L'insignifiant, c'est moi, oui. Léo, quand t'es parti, Léo, rapidement, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Quand t'es parti, Léo, j'avais les yeux pleins d'eau. Quand il est parti, Léo avait les yeux pleins d'eau, plein de soleil et le vent en couleur de son dedans. Quand il est parti, Léo, avions les yeux pleins d'eau. Je vais peindre le néant. Quand il est parti, Léo, avions les yeux pleins d'eau. Quand il est parti, Léo, mon Dieu, qu'il était beau. Les bras chargés de pinceaux, ses couleurs à fleur de peau. Quand il est parti, Léo, avions un grand tableau plein de soleil et le vent couleur de son dedans. Quand il est parti, Léo, quand il est parti, Léo, avions les yeux plein d'eau. C'est une chanson de Jean Lapointe. Léo. Il a aussi écrit... attends un peu. C'est quoi ça? C'est pas la vie dans ta mère, mais c'est beau. Ah oui. On peut pas partir, Léo. C'est pas triste, mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, OK, on arrête. C'est beau, c'est très beau. C'est carotté sur fond gris. mais le grisonnant devient plus foncé en descendant. Plus tu descends, plus c'est dans le noirâtre, noiret. Oui, le comédien. Philippe. Oui, mais je vais vous le dire, madame, moi, vous l'appelez. Fait, calmez-vous, madame. Hey, elle se grisonne le tympan, elle, là. Philippe. Philippe Noiret. Oui. Monsieur. Parce que, hey, on communique actuellement avec l'au-delà. Puis là, ben, écoutez, ils ont des grands livres. Ils sont tellement grands qu'on a de la difficulté à tourner les pages. Ça doit peser. Ça coûte. Ça pèse comment, là? Oui, la page, quand vous tournez. Oui, je sais qu'il y a. Non, Guilla est en bas, là. Non. Non, la page. Pas le page. La page. Ils veulent me faire parler à des gens qui sont encore vivants. Je veux rien savoir de Guilla Lepage. Voilà, là, c'est la page. La page. Tournez la page. Tourne la page. Oh, on n'a pas le temps. Et on parle. Ça nous coûte cher combien de temps d'antenne? Enterrez-moi tout ça, voyons. Madame, tournez pas la... Donnez-vous pas la peine de tourner la page. On n'a pas le temps. OK. Philippe Noiret, je sais, on lui parlera plus tard. Dans les semaines à venir. Faites-vous en... Oui, j'ai plein de choses à lui dire. Surtout parler de son cinéma. Puis... Oui, nous aurons une capsule au-delà dans quelques... L'au-delà. OK, au-delà. Mon Dieu, vous êtes en haut, vous êtes... Hein? En bas, sont beaucoup moins... Ouais, moi, ça me dérange un peu. Là, c'est comme Sylvain Lelièvre qui chantait la haute ville puis la basse ville. En bas, on n'est plus, puis en haut, vous êtes plus. Hein? Oh, mon Dieu Seigneur. C'est la même affaire. OK. Le CCF n'est pas là, hein? Ah, c'est une forme. Je sais. Hey, je voulais juste savoir si vous étiez au courant. Ah, vous êtes vite. Pour une morte, vous êtes vite. Quand on meurt, on est plus vite que quand on est vivant. Mon Dieu Seigneur. Il y a des fonctionnaires qui vont. OK. Madame, monsieur le président, monsieur, il n'est pas trop catholique. Mesdames les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et errance rénaldienne. Pour les gens qui s'imaginent des affaires bizarres à mon sujet, là, tout va bien. Non, mais le surréalisme a une mauvaise partie dans l'échiquier de l'humour. Oh! Écris ça, Gaétane! Voyons donc, écris ça! Non, mais c'est vrai. Quand tu fais de l'humour facile, qui abaisse le peuple, les artistes, les gens en général, les gens trouvent ça drôle, ça, c'est drôle, ah! Mais quand tu baignes dans un flou, j'allais dire un flux, mais c'est la soupe au... Ouais, c'est ça. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme rénal de Le Néant Gagné. Aujourd'hui, le 26 février 2016, on a... Hein, non, quand même. On a franchi. Depuis quelques semaines, presque un mois et quelques. Là. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un univers narratif, laissons-nous nous raconter la biographie. Parce qu'elle va le... Exactement, madame. Vous avez tout compris. Elle va parler d'elle. Elle va ouvrir son cœur, ouvrir son livre. Peut-être on va s'arrêter à page 69. Je ne sais pas. Là, il y a des enfants qui se passent. Là. C'est très rock and roll ce soir. Là, c'est sex, drug and rock. Non, pas de drogue. Non, madame. Roger Giguère n'est pas là, non. Il n'a pas répondu. En fait, on n'a pas appelé, donc il n'a pas répondu. Pour répondre, frapper, on vous ouvrira. Hein? C'est une vieille phrase, mais c'est vrai. Si tu ne frappes pas, comment tu veux que... Pas frapper au coup de poing, mais frapper... Oui? Mère? 36 minutes, oui, je sais.

girl's a girl and a half. She's got me going up and down. She's got me going up and down. Girl, that you got some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All this skirt, lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Walking on the beaches, looking at the beaches. Another one just lying down on the sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds. You know what I mean? Walking on the beaches, looking at the beaches. Well, you just take a look over there. For women, that's what I preach, preacher man. Walking on the beaches, looking at the beaches. Oh shit, there goes the charabang. Looks like I'm gonna be stuck here the whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. Mais je me suis trompé de numéro. Non, je l'ai reçu. Mais maintenant? Oui, mais moi, c'est parce que ça doit passer par le Québec avant de revenir. Mais non, parce que je suis arrivée une demi-heure avant et je sortais du métro. Donc, je dis, ouais, je suis en avance et tout. Et tout à l'heure, je regardais, je sais pas, il n'a pas répondu. Donc, j'ai tourné. Et en fait, je me suis trompée. Mais est-ce que tu m'as vu ici avec... Non, du coup, j'ai pris le temps de montrer. Tu vois, j'ai flâné, c'était 3h30, tu vois. Donc, je me suis dit, j'arriverai à 4h. Et c'est là, en voyant, je suis merde, je l'ai pas envoyé à la bonne personne. Elle, en plus, il a sorti sa guitare, il s'est mis à chanter. Ah ouais. Donc, j'ai dit peut-être qu'elle a eu peur et elle a fui. Non. C'est que j'ai pris le temps, je me suis dit, il doit être en interview, donc... En fait, moi, c'est des rencontres radiophoniques. C'est pas j'ai pas de questions à part les discussions de la fin. C'est absolument D'accord. rien. On va comme ça se raconter. On va, ton cheminement doit être tout à fait particulier. Ouais. T'es une chorégraphe. Oui. T'es une danseuse. C'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la danse? Oula, la danse, j'ai aimé ça depuis toute petite. Je crois que j'avais le rythme dans la peau. Okay. Dès mon plus jeune âge. Okay. J'adorais danser. J'étais toujours partante dès que j'entendais de la musique. Je sautillais, j'apprenais facilement les mouvements, donc et comme j'étais très active, mes parents ont tout fait pour que je me dépense le plus et que je les fatigue le moins. Ok, parce qu'ils voyaient en toi quelqu'un qui s'intéressait à quelque chose. Ouais, j'étais assez artistique, ouais, et je faisais souvent quelque chose. dans le lotissement où j'habitais, c'est chaque fin d'année, je réunissais toutes les copines du quartier et tous les copains, en fait, et je montais un ballet de fin d'année, quoi. Ah, okay. Donc, on s'amusait, je m'amusais à prendre les costumes, tu vois. Et c'est comme ça que tu as commencé, sans savoir, à faire de la chorégraphie, placer les gens. C'est ça. Et c'est commencé comme ça, et après, j'ai un peu arrêté la danse. Pourquoi? Parce que on grandit, que les parents ils préfèrent qu'on fasse des études, des choses comme ça. Sérieuse. Et pas plus sérieuse parce que du coup je suis devenue complètement punk et rien à foutre et voilà. À vivre avec les amis. À vivre avec les amis, à voyager. À quel endroit t'es partie en Angleterre ou... Non, je sais pas quoi, je partais pas mal en France, tu vois, je tournais, on faisait les festivals, des choses comme ça, quoi. On s'amusait avec les copains. Okay. Et je me suis mise dans la mode. Après avoir des études, et en me disant, si je suis pas sur scène, je serai derrière. Okay. Et du coup, j'ai fait des costumes pour le groupe avec qui je suis depuis 10 ans. Et comment ça s'est passé? Vous êtes venus à vous rencontrer comment? Sur un concert. En fait, ils sont venus jouer à Marseille. Je les avais vus quelques années auparavant. OK, parce que là, il faut dire que tu n'es pas native. Parce que j'ai essayé de trouver des bios à part chorégraphe, metteur en scène, danseuse. Il n'y a pas grand-chose. Ah oui, tu fais partie aussi d'une troupe. Ouais, il y a le bal des enragés. Oui, voilà. Et Punish Yourself. Exactement. J'ai fait le cabaret Freaks, qui est plus une scène électro, où là on est surtout des performeurs en fait, et un DJ qui mixe en live. Mais toi, tu es né à quel endroit? Moi, je suis né dans le sud-est de la France. Ok. Et je suis d'origine pied-noir espagnol et sicilienne, du côté de mon père et pied-noir du côté de ma mère. Ah, c'est bien. Donc il y a un beau métissage. Oui. Et c'est. Tu as grandi en France? J'ai grandi en France. OK. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, tu as rencontré ces gens-là qui, eux, t'ont fait confiance ou si tu t'es proposé? Non, c'est eux qui m'ont fait. Pour les costumes, c'est moi qui leur ai proposé. OK. Et je suis arrivée au bon endroit, au bon moment, en fait, quoi. Parce que l'album marchait bien, qu'ils venaient de rencontrer une boîte de tours qui commençait à bien les faire tourner, donc du coup ils avaient du budget. Et voilà, moi je leur ai proposé de leur faire les costumes, et de fil en aiguille, ils étaient au courant que je faisais un peu des perfs, que je dansais comme ça à l'occasion pour des copains, quoi. Et peut-être 6 mois après, ils reviennent sur Marseille et ils me demandent de venir danser avec eux, quoi. Et c'est là que j'ai sorti ma fameuse disqueuse, mon plastron en acier. Et que j'ai commencé comme ça, ils ont adoré. Et puis, tu as des gens, des fois, que tu rencontres, tu as l'impression que ça fait. Tu les connais depuis. Qu'on se connaissait depuis toujours, quoi. Donc, il n'y a pas eu besoin spécialement de me donner des directives et de me dire fais comme ci, fais comme ça. Je suis direct rentrée dans le truc. Et depuis, on ne s'est plus lâché, quoi. Et puis après, tu parcours la France, l'Europe, tu rencontres d'autres groupes, tu crées d'autres liens. C'est l'intérêt aussi de faire ton travail. Hein? Comment? C'est l'intérêt de ton travail, c'est d'aller voir ailleurs aussi ce qui se passe. C'est ça, ouais. Et c'est d'avoir aussi que les gens sont aussi intéressés qu'ici. Mm. L'intérêt est là. Voir quelqu'un qui... parce que ça, chez nous, on dit que ça arrache. C'est quelque chose d'assez très underground. Carrément. Mais vous jouez aussi beaucoup là-dessus. Ah ben oui, c'est carrément l'image du groupe, quoi. C'est la fin du monde à chaque spectacle. Ouais. Et ça te plaît? Ouais. Est-ce que dans la vie, t'es une extrémiste? Oui. Assez, ouais. Dans ma vie, je suis assez... plutôt tranquille après quand je sors de scène, mais c'est vrai que je suis assez extrême dans mon caractère, c'est tout ou rien, quoi. Mais dans ton enfance, c'est là que tout s'est passé, c'est-à-dire que t'as fait des cheminements assez particuliers pour en arriver à ce que t'es aujourd'hui. Ah oui, et aujourd'hui, t'es rendu plus sage parce que t'as vu que... La vie nous rend plus sage aussi, quoi. Moi, j'arrive à 40 ans, donc forcément, je pense que... Hey, mais t'as pas l'air de 40 ans. Non, j'ai pas l'air. Mais moi, en même temps, j'ai 50 et j'ai pas l'air de 50. Donc, C'est parce qu'on vit de ce qui nous plaît aussi et qu'on est libre dans nos... moi, je me suis battue pour ma liberté d'esprit, ma liberté de penser. Et... parce qu'on voulait pas que je fasse ça, en fait, quoi. Donc... Comment? C'est tes parents qui ne voulaient pas? Ouais, ils n'étaient pas d'accord, ça leur plaisait pas du tout ce chemin-là, quoi. Mais parce moi, je voyais peut-être le côté plus difficile, les anarchiste, pas stable, comment elle va gagner sa vie, c'est pas quoi, voilà, tout ça, c'est légitime, tu vois. Ce sont des parents d'après-guerre qui ont grandi voilà, avec le manque de nourriture, pas d'argent, où il fallait tout refaire. Donc ils se sont battus pour ça et assurer la vie de leurs enfants, quoi. Et donc c'est vrai qu'ils se demandaient où j'allais, quoi. Et toi-même, tu savais vraiment pas. Non, puis je voulais pas voir. Ça me faisait flipper, en fait, et ça me déprimait à 20 ans de m'imaginer dans 40 ans, quoi. Tu vois. Déjà vieille. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas avoir quelque chose à boire? Ouais, un petit Perrier, ouais. Ah, ok. Ouais. Ok. Ça sera le deuxième tour, ok. Quoi, t'es pas, tu bois peu, c'est... Ouais, je bois peu, ouais. Il y a eu une époque où j'étais beaucoup plus... Ouais, c'est ça, t'as diminué. Beaucoup plus frics, et là, j'ai diminué. Okay. Puis là, c'est en pleine journée, donc si je bois une bière, je pense que je vais avoir envie d'aller dormir. Ok, alors tu as tellement vécu qu'aujourd'hui, tu veux relaxer un peu. Ouais, puis quand on fait de la danse, il y a un moment donné où il faut prendre soin de son corps aussi. Oui, ah oui. Et j'ai fait beaucoup d'excès, et du coup, j'ai eu beaucoup de blessures aussi. Et je me suis dit à un moment donné que, qu'il fallait faire un choix, quoi. C'était où il fallait que je me calme et pour continuer mon métier le plus longtemps possible. Où, mais tu te sens mieux aujourd'hui? Ouais. Parce que tu as trouvé un peu ton chemin. Un peu ouais, ben, je m'affirme dans ce que je fais, je suis bien posée, ça va faire plus de 10 ans que je suis là-dedans et je continue d'évoluer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je m'arrête pas, quoi. Mais l'intérêt, c'est de faire quelque chose que tu aimes et d'être aussi approuvé par tes pairs. Mm. Les gens avec qui tu travailles, ah oui, mais c'est bien, ouais. Donc tu te sens valorisé. Puis les gens font confiance aussi, quoi. Oui. Et je trouve que c'est assez... Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, en fait, quoi. Non. Maintenant, on commence à voir d'autres nanas qui dansent sur les scènes métal et tout ça, mais ouais, on n'est pas beaucoup à faire ce que je fais, à avoir le statut d'intermittent depuis 10 ans et à parcourir le monde. C'est le côté singulier, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent de cet univers-là. Ouais, je suis dans un milieu complètement masculin, quoi. Oui. Ouais. Et pour toi, c'est un grand plaisir parce que tu peux rencontrer des mecs et avoir... Ouais. Non, mais c'est vrai, tu peux, c'est une ouverture, c'est pas toujours... Tu sais, t'es pas cloisonné avec, je sais pas, dans la mode, c'est juste des filles ou la majorité des filles. Non, il y a pas mal de mecs aussi, mais la mode, ce qui m'a gonflé, c'était... tout le monde se prenait la tête pour des chiffons, quoi. Tu vois, c'est... c'était des prises de tête énormes, en fait. Mais toi, en fait, tu aurais pu travailler dans la mode plus classique. Ouais, j'avais monté ma société, oui, en fait. Donc pendant 3 ans, j'ai fait ça et je bossais en freelance ça m'a gonflé, quoi. Ah, oui. J'ai perdu trop d'argent là-dedans et j'avais pas, voilà, quoi. Mais le conformisme te plaît pas? Non. Non, puis j'aime pas la routine. Et j'aime bien, alors à la fois, il y a des moments c'est assez angoissant parce qu'on ne sait pas où on va et qu'on jongle avec l'argent, quoi, parce que notre société est difficile et la vie est chère. Donc il y a des moments c'est assez déstabilisant, mais à la fois, je préfère avoir cette vie-là et faire ce qui me plaît que de me retrouver à l'usine ou dans un bureau et rester figé avec un patron. Ouais, voilà. Ou avec des enfants, peut-être que tu as des enfants, mais peut-être... Non, que... j'ai pas d'enfants, okay. J'ai bossé avec des enfants aussi, okay. Mais c'est beaucoup d'investissement aussi, quoi. C'est très dur de travailler avec les enfants, parce qu'il faut pas s'attacher. Oui, c'est vrai, le contexte est... Ouais. Est-ce que tu veux un Perrier-Mante ou un Perrier... Perrier-Mante, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et moi aussi, s'il vous plaît. aussi, quoi. Le Québec, on a fait. Et avec le bal des enragés, Puniche y a joué, il y a Foufoune électrique, ouais. Et on avait fait les Franco. Non, pas les Francofolies, il y avait Tagada Jones qui faisait qui avait fait les Franco. Et on avait joué dans un cabaret. Mais ça, ça remonte il y a. C'était la tournée 2010 à Québec. À Québec, la ville de Québec. Ouais. Et à Montréal, je crois qu'on a. Ah non, oui, pas la ville de Québec, c'est à Montréal. Oui, Montréal. Et on avait fait le cabaret du Milinde aussi. Oui, ah ben ça, c'est Montréal. Ouais. Et il y avait l'Ofofora aussi. Oui, ben oui. Oui. Ça, quoi. Et eux vont bientôt venir que au Québec. Tu aussi, ouais. Que tu connais. Ouais, je connais. Ben ouais, le bassiste est mon homme, donc ben oui, je connais bien. J'ai failli le ramener cet après-midi, j'ai pas osé. Pourquoi t'as pas osé? Ben, parce que je me suis dit peut-être qu'on va prendre trop de temps, vu que je savais que tu étais bien calé sur tes interviews. Il aurait fallu juste que tu me demandes et peut-être que j'aurais pu recaler des trucs. Ouais. Mais l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Ouais, ils y vont bientôt, d'ici un mois, ils y sont. Oui, mais c'est un groupe qui passe souvent chez nous, qui marche bien pour ceux qui viennent. Ben ouais, ouais. Est-ce que ça les surprend? Bon, je veux pas que tu parles au nom de ton amoureux. Mais je veux bien répondre. Je veux bien leur faire de la pub avec grand plaisir. Je les soutiens. En plus, ben, tu n'as même pas un enfant parce qu'ils sont connus et reconnus. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont surpris de voir qu'ils sont autant aimés au Québec? Pourquoi ça fonctionne plus ici qu'ailleurs? Ben, ici, je dirais. Ici, ça fonctionne bien. Et ben, le Québec, ben, je ne sais pas trop. Ouais, je sais qu'ils sont très touchés. Quoi. Oui. La dernière tournée qu'ils ont fait en 2013, c'était incroyable. C'était énorme. Et ça faisait 8 ans ou 10 ans, je crois, qu'ils n'avaient pas joué au Québec. Ouais. Ils avaient fait juste une date en 2010 à Montebello. Et pendant qu'on était avec le bal là-bas, et c'était énorme, quoi. Mais toi, c'était énorme. C'est ce qui les ont beaucoup touchés, c'était la nouvelle génération, en fait, qui connaissaient les morceaux et qui nous racontaient qu'ils écoutaient ça dans les salles de jeu, tu vois, les mecs qui passaient les vieux scuds de l'OFO. Et les Québécois sont très déçus de ne pas avoir les nouveaux albums. C'est vrai. Donc je pense que... Mais sur Internet, ça fonctionne autant. Là. Ben ouais, là, il y a la boutique en ligne et tout. Mais c'est en même temps, peut-être les purs et durs là, qui ne peuvent pas ouvrir un ordinateur, qui se sentent un peu frustrés de ne pas avoir les albums. Mais nous, il n'y a aucun problème. Hein. On peut télécharger, on peut aller chercher. Mais pour nos les anciens, ben, c'est plus complexe. Là, sur leur label, maintenant, il y a la boutique en ligne. Donc il y a moyen d'acheter les albums, les t-shirts. Et voilà, c'est ça, les t-shirts des tournées, c'est ça. Ouais. Et tu l'as connu ici, ton copain? Ben, on s'est connu sur les tournées, parce qu'on s'est souvent avec Puniche, on avait joué ensemble, donc on s'était croisés comme ça, et c'est sur le bal, quoi. On s'est rencontrés sur le bal, on a craqué. Comment le bal est né? Alors le bal, il est né en 2009, c'était le 20e anniversaire du festival Pont du Rock en Vendée. Ouais. Et ils ont... C'est beau la Vendée. Ouais, c'est magnifique. Et ils ont demandé à Nico des Tagada d'avoir carte blanche en fait pour cette soirée-là. Quoi. Et donc il a eu la super idée de créer le bal et donc de faire appel au Lofo, au Parabellum, au chanteur des Puniches et à moi-même, à Laurent, quoi, Lolo Le Fourbe qui est l'autre performeur. Voilà, plusieurs artistes, quoi. Et de faire quelques reprises, quoi. Donc, on a fait cette date-là. Et de là, il est parti la tournée en 2010, puis... Ouais. 2010, puis après, je crois qu'il y a eu de 2012 et 2013, quoi. Et toi, tu étais toujours avec eux? Et moi, je les ai toujours suivis depuis le début. Et tu faisais aussi ton travail de... Tu offrais tu travaillais sur le linge, sur le côté vestimentaire, le look... aussi tu te consacrais davantage à ton métier de danseuse? Je me consacrais, il y avait le look parce que je travaillais sur mes costumes en fait. Et, est-ce que tu proposais les costumes que tu faisais à d'autres? Non, c'est plus eux au bout d'un moment qui ont eu envie de se déguiser, mais sans trop se déguiser. En fait, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Le dernier bal, là, ça a été, même eux se mettaient à danser sur scène. Il y avait beaucoup plus de mise en scène, quoi. Il a fallu quand même un petit temps d'adaptation avec tout le monde, qu'on se connaisse, quoi. La première date, c'était, moi je les connaissais pas tous, j'étais assez impressionnée de me retrouver aussi parmi eux, aux côtés des parades, des lofos, tu vois, des groupes que t'écoutes quand t'es gamine et que d'un coup tu dis waouh, je suis avec eux sur scène, quoi. Oui, c'est fou, oui, c'est la vie est folle, quoi. Oui. Faut jamais s'attendre à rien puisque ça peut arriver en tout temps. Comme quoi ça vaut le coup de vivre de ses rêves et de persister, quoi, tu vois, de croire en tout ça et de se dire je veux faire ça et advienne que pourra, quoi. Mais toi, qu'est-ce que tu écoutais quand t'étais ado? Moi, qu'est-ce que j'écoutais? Ouais, j'écoutais pas mal. Ben, j'écoutais les Parabellum, j'écoutais... J'habitais une petite province, donc j'étais pas au courant de tout. À quel endroit? J'habitais Nîmes. Il se passait vraiment pas grand chose. Donc j'écoutais surtout à 14-15 ans les groupes français comme La Mano, Les Paras, Les Vents Passent, il y avait OTH. Est-ce que tu connais les Raoul Petit? Non. Alors il y avait un groupe québécois, Les Colocs, j'écoutais. Oui, oui, le chanteur s'est suicidé. Ah oui? Il y a quelques années, non? Oui, oui. Ouais, je l'avais entendu. Il y a 12 ans. Ouais, ouais. Il s'appelait André Parfait. Ça, j'ai écouté pas mal, c'est une copine qui m'avait c'est fait connaître ça. Festif. Ouais. Oui, oui. C'est quel album? Est-ce qu'il y avait Julie? Oh, oh, oh, ma petite Julie. Non? Ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté, alors je ne vais pas te dire de gaffe. Ok, ok. Et puis, c'est quoi, c'est de la musique qui t'inspire, ce genre de... Bah, ado, ça, ouais, je trouvais ça assez festif, quoi. Après, je me suis mis plus dans les groupes américains. J'écoutais pas mal les Dead Kennedys, j'ai pas mal écouté. Les Alien Sex Friends, j'ai écouté Skinny Puppy. Groupe canadien, Skinny ouais. Puppy. Ouais. Ouais, j'ai... Est-ce que tu écoutes encore des anciens? Parce que ça m'arrive, ça fait un petit moment que j'ai plus trop écouté tout ça. Ok. Mais ça m'arrive, des fois, j'y reviens, quoi. Mais, j'ai mes périodes old school et je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas écouté cet album. Et... Mais en même temps, en écoutant des vieilles chansons rock et en écoutant du vieux punk, le vieux punk n'a jamais perdu son effervescence. Mmh. C'est encore extrêmement actuel ce qu'il faisait en 70. Ouais. Alors ça perd pas de... Non. C'est de là l'intérêt d'être un peu punk dans la tête. Parce que quand tu m'écoutes, tu dis, j'ai quand même bien fait. Ah ben tu te sens comme un ado d'un coup, quoi. Tu vois, tu te dis qu'on n'a pas... Quoi. Voilà, j'ai pas perdu mon âme d'ado, quoi, même si je suis une adulte. C'est ça qui te donne l'envie aussi de continuer et de continuer à se battre et de crier notre colère, notre rage tout en restant positif. Et voilà, on est peut-être en colère, mais on est des gens joyeux. Quoi. Oui, malgré tout. Voilà, quoi. Parce qu'on a besoin de dire les choses, on est vivant. Quoi. Je pense qu'on nous semble des personnes très vivantes. Mais les projets que vous avez lancés, est-ce que c'est en reflet sur ce qui existait ou si vous avez inventé un style? Vous pouvez avoir inventé un style? Non, je crois pas. Puisque l'histoire de la disqueuse, j'avais vu ça sur un magazine fétiche allemand. Et L'Allemagne est assez d'avant-garde. Ouais. Et ça m'avait pas mal inspiré. Et je me suis dit, tiens, un jour, il faudra que je trouve un ferronnier et que je fasse ça. Et puis voilà, il y a eu le jour où les Puniches m'ont proposé, je connaissais un ferronnier, donc je me suis dit, je saute sur l'occasion. Quoi. J'ai pas hésité. Et après, j'ai été influencé par pas mal d'artistes. Quoi, et de... Mais la première fois que tu es monté sur scène avec tes vêtements, comment tu étais perçu? Comme un animal préhistorique, comme une fille flyée, comme on dit chez nous, une Diane Dufresne, parce que Diane Dufresne était une femme très flyée. Ouais. Donc, une femme tout à fait déjantée, comment tu as été perçue? Ben pour ceux qui me connaissaient, j'étais quelqu'un. Pour les autres. Même pour tes voix, on me percevait comme une personne assez animale et à la fois sensuelle et glamour. Il y a vraiment un côté animal quand même. Il y a une grande rage dans ce que je fais et beaucoup de sensualité. Quoi. Oui, mais lorsque tu finissais ton tour, est-ce que les gens allaient te voir ou ils avaient une certaine crainte de t'avancer? On a une grande crainte de venir me voir parce que moi j'ai une grande crainte de rencontrer mon public aussi. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur? Ben, c'est les retours, je pense, tout ce qui est positif aussi, et puis... En même temps, comme c'est très animal, t'as un peu peur du côté sauvage. Puis c'est une protection aussi, parce qu'il y a le maquillage, tu vois. Oui. Alors quand j'ai le maquillage, toi, c'est plus facile d'aller voir le public, mais sans maquillage, c'est... C'est comme le groupe Kiss, enlève le maquillage, il n'y a plus rien. Ouais, en tournée, ils savent, ils l'ont enlevé, puis ça n'a pas fonctionné. Mm. Donc, il faut rester avec notre image, parce que les gens attendent l'image. Je suis une grande timide dans la vie, alors... Donc du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à aller vers le public, quoi. Est-ce que tu te trouves des fois... Est-ce que tu te surprends lorsque tu te vois sur scène? En te disant je suis une fille si timide dans la vie et je peux arriver à faire ça et à provoquer ça, surtout provoquer ça. Ah, c'est un total paradoxe, quoi. Ouais. Et ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Il y a des fois j'aimerais bien être dans la vie comme je suis sur scène. Okay. Mais qu'est-ce pas avoir... que tu crains? C'est la vie? Ouais, c'est les gens peut-être, la peur des gens ou le manque de confiance en soi sûrement, quoi, tu vois, le côté paradoxal de l'artiste souvent, où on peut être complètement extravagant sur scène et après dans notre vie on est là à se poser des milliards de questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je vais pas trop brusquer, est-ce que... Et je pense qu'il y a la famille aussi qui fait beaucoup, quoi. Il y a un certain poids quand... Voilà, moi, vu la famille d'où je viens, qui est très croyante, beaucoup de valeurs, je suis une nana, quoi. Donc, ça a été très dur d'assumer tout ça, quoi. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Ah! aujourd'hui, ça va. Ça mais t'es-tu mais... encore lorsque on fait des occasions à Noël, les jours de l'an, ou à ce moment-là, est-ce que t'es vu comme la marginale? Complètement. Ou même auprès de ta famille, là, les oncles, les tantes? Alors, dans ma famille en Sicile, je suis la marginale, mais ils adorent ce que je fais. Okay. Ils trouvent ça génial, pour eux je suis une artiste et du coup ils me comprennent quoi, pourquoi, okay. pourquoi j'ai cette vie-là, ils trouvent que c'est logique. Quoi. Mais les Italiens là... sont plus impulsifs, donc c'est mieux vu que... Parce que pendant 22 ans je ne les ai pas vus, ma famille là-bas, donc quand j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps, ça a été vraiment un gros choc, mais un choc très positif en fait. Quoi. Est-ce qu'éventuellement tu prépares une tournée en Italie? Non. Non? Pourquoi être... Parce que moi je tourne avec mes groupes, tu vois, et donc je m'occupe pas des tournées, et je sais que les tournées en Italie c'est assez compliqué aussi, quoi. Ouais. Donc il faut que le groupe ait un budget déjà au départ pour pouvoir assurer les frais et tout ça, parce que j'ai les tagadas, je sais qu'ils s'y sont allés et que c'est bien roots, quoi. Oh, ouais. Donc après moi toute seule, non, je le ferai pas, quoi. J'aime bien travailler en groupe, je suis pas très, très solitaire, quoi. Je peux être solitaire dans ma vie, mais après j'ai... Voilà, c'est les tournées qui compensent, quoi. La foule, le monde, rencontrer les gens. Je me recharge dans ces moments-là, quoi. Et après, j'ai besoin d'être tranquille dans ma petite campagne, dans ma petite banlieue. Est-ce que tu restes en campagne? Je suis en banlieue, quoi. Okay. Et c'est très, très calme là où j'habite, quoi. Il n'y a rien. Et c'est mieux comme ça. Oui, je suis bien. Parce que c'est trois choses pour pouvoir monter sur scène. J'ai besoin de ça, quoi. Je ne suis pas une Parisienne dans l'âme. Ah non, toi, le stress, ça... Ouais, non, moi, je suis une fille du Sud. J'ai besoin de la mer, du soleil. Donc, voilà, là, je vais vite partir d'ici peu, rejoindre mon Sud. Prendre des vacances? Ouais, on tourne dans le Sud, donc je vais profiter des tournées, tu vois. Je vais bouger avec ma petite voiture et suivre le groupe ou en camion, mais profiter voilà, des coins où on va pour passer quelques jours, voir des amis, la famille. Est-ce que tu crées encore des vêtements ou si tu as mis ça un peu en veilleux? Moi, je crée toujours. Je crée toujours mes costumes. Mais tu ne fonctionnes pas selon les saisons traditionnelles, la mode? Non, non. Après, c'est des costumes de scène, quoi. C'est ça. Donc, du prêt-à-porter, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Il y a 3 ans, j'ai donné des cours à une nana. Est-ce que c'était vêtement à toi? Non. OK. Non. Excuse-moi. Ah, pas de souci. Ça aurait pu. Il y a 3 ans, j'ai donné des cours à une fille qui faisait une école de mode. J'ai donné des cours de patronage. Ça l'a bien aidée. Donc, c'était chouette. Et là, ouais, je vais peut-être me remettre à ça, quoi. Pour compléter mes fins de mois et j'ai bien envie de donner des cours de patronage à des gens en particulier, quoi. En 10 ans, est-ce que ton style a été modifié? Est-ce que tu as des choses qui reviennent constamment? As-tu des repères, des intérêts? Ou si tu essaies de te ressourcer à chaque... Je me ressource à chaque fois. Après, je pense qu'il y a toujours... On retrouve ma marque de fabrique, je pense, dans ma danse et dans mes costumes et ma présence sur scène. Mais quand je vois ce que je faisais au début et je vois ce que je fais maintenant, il y a une évolution, c'est beaucoup plus travaillé, quoi. Moi, je ne suis pas dans la technique, j'aime bien faire les choses sur le moment. Et alors, j'essaie souvent de chorégraphier mes parties, mais c'est très difficile parce que les scènes changent d'une date à l'autre. Donc au niveau de l'espace, on ne bouge pas de la même manière. Il faut que je tienne compte des personnes sur scène, des gens qui risquent de monter aussi. Donc ça veut dire que si je chorégraphie quelque chose, moi ça risque de me déstabiliser, quoi. Donc je me mets des trames pour chaque morceau avec des costumes différents et des présences, des états de corps qui sont différents d'un morceau à un autre. Et de là, il y a quelques mouvements, tu vois, que je vais reprendre. Mais en général, ça reste sur le feeling, quoi, sur le moment, quoi. J'aime bien ça et je pense que c'est ce qui donne la force aussi et l'énergie sur scène, quoi. Est-ce que ça t'arrive quelquefois de remettre des vêtements d'il y a 10 ans où c'est fini, terminé? Ouais, les budgets sont serrés. Donc okay, la dernière tournée de Puniche, ouais, j'avais repris plein de vieux costumes que j'avais utilisés sur le bal ou sur d'autres projets. Ouais, j'ai tout modifié, ouais. Okay. J'ai tout recostumisé. Et là, le nouveau projet, quoi. Là, on fait une tournée où on est en noir et blanc. Ouais. Ça s'appelle Black and Noise Tour. Black and White Noise Tour. Et là, on est revenu à l'essentiel, à l'état pur, en fait, du punk indus. Donc, j'ai qu'un costume pour tout le concert. Il y a un moment donné, je mets une robe. Mais et là, c'est pareil, j'ai tout customisé, quoi. Je me suis amusée à faire de la peinture sur mes costumes et c'était une vieille gaine de mamie que j'avais qui traînait depuis au moins 15 ans dans ma malle et, okay. Et je l'ai ressortie, quoi. Donc je fonctionne pas mal comme ça. Et la chorégraphie, est-ce que tu en fais régulièrement Ouais. Ouais, bah, cette année, j'ai fait une formation au Centre National de la Danse à Paris pour passer mon diplôme d'État pour être enseignante. Ah, que je... Tu ouais. Ouais. Ben, je l'ai pas eu le diplôme, ça sera pour une autre fois, mais du coup ouais, je me nourris pas mal de stages, de cours et de différentes danses, quoi. Parce que c'est ce qui fait la richesse aussi, quoi. On a besoin de se nourrir, quoi. Parce que, bon, je danse souvent seule chez moi, mais bon, j'ai besoin, quoi, je suis dans un groupe de musiciens, donc moi je prépare mes choses de mon côté, je répète seule, et c'est vrai qu'à un moment donné bah, t'as besoin de te retrouver avec d'autres danseurs aussi pour sortir de ta bulle et toi te mettre en confiance aussi dans ce que tu fais, quoi. Et donc c'est ce qui m'a manqué dans cette formation, c'est que je voyais pas cette danseur et que j'avais envie de... J'ai mon style, mais pour le transmettre, c'était tout autre chose, quoi, tu vois. Il faut savoir analyser tous ces mouvements, donc j'ai beaucoup appris. Mais est-ce que tu es beaucoup plus vers la danse, plus vers la danse actuelle? C'est-à-dire? La danse improvisée, la danse instinctive, la danse des corps et non pas de la structure du ballet ou... Ah oui, complètement. Moi, je suis beaucoup dans l'improvisation. C'est de la danse contemporaine. Il y a un mélange. Après, moi, j'ai une culture moderne jazz, classique. J'ai fait du hip-hop, j'ai fait de la beaucoup de danse africaine et après je me suis mise dans le moderne et le contemporain et j'ai beaucoup travaillé jusqu'à il y a quelques années dans l'improvisation, quoi, et sur l'instant, quoi, et créé comme ça, et à la fois, et c'est à la fois théâtral aussi. Et lorsque tu regardes des danseurs, est-ce que tu te trouves quand même est-ce que tu te trouves autant d'avant-garde que les gens que tu vois danser en te disant, mais quand même, j'étais tout seul dans mon coin, mais j'ai évolué si je me compare à d'autres qui carrément, ouais. Ben là, en voyant, justement, en allant voir plus de ballet et en faisant des cours, je me rends compte j'ai un style et que... je suis quand même autodidacte, quoi, parce que j'ai arrêté la danse, j'avais 20 ans, entre 20 ans et 23 ans. Et après, je me suis mise dans les arts martiaux et j'ai repris que vers la trentaine, tu vois. Donc, mais t'as-tu des ceintures? Ouais, petite. Ok. J'ai la ceinture bleue et deux barrettes rouges. Okay. Ok, alors t'as juste initié l'univers. Mais en fait, ce que tu veux, c'est pas peaufiner, mais toucher un peu à tout. Mm. C'est ça l'intérêt. Je suis curieuse et je suis assez physique aussi, j'ai besoin de me défouler. Okay. Donc, le taekwondo, moi, c'est un sport que j'ai adoré et qui m'a fait énormément avancer dans la vie, quoi. J'ai arrêté malgré moi, parce que j'ai dû changer de ville pour du boulot et le club sur lequel je suis tombée ne me convenait pas du tout. Donc j'ai arrêté, puis j'avais moins le temps aussi parce que je travaillais. Donc j'ai arrêté et puis là je me suis remise petit à petit à la danse, quoi. Mais plus à la danse, voilà, toute seule, quoi, tu vois, à apprendre seule, quoi. En fait, est-ce que la danse t'amène cette incantation-là? Est-ce que tu te libères? Est-ce que tu te surprends des fois à te dire « j'étais en transe, j'étais dans complètement, un autre monde, avec la musique et... » Pour moi, je m'exorcise complètement quand je suis sur scène, quoi. J'ai besoin de ça pour me revitaliser, pour me sentir vivante et c'est énorme. Ouais. C'est une pure adrénaline, j'ai pas besoin de drogue, de boire. À une certaine époque, oui, et alors, plus tu maintenant, sais un peu, quoi. Comment on se sent, donc tu essaies de recréer ça, ouais. Mais sans les sensations. Il y a eu un moment donné où ça a été un peu difficile, quoi, de retrouver ces sensations, mais on y arrive, quoi. Ouais, ouais. Avec la force, on la y arrive. Et c'est 10 fois mieux, quoi. Oh, ouais, parce que tu as beaucoup plus d'énergie, et ce que tu fais sur scène aussi, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est de fil en aiguille, quand t'avances dans les dates, en fait, c'est tu progresses, quoi. C'est pas, t'es de plus en plus fatigué, c'est non, t'es... Oh, oui, un peu comme une fleur, t'es en train de t'émasser. C'est ça. Merci. Et il en a amené qu'un. Comment? Non, c'est pas grave. Non, mais j'en ai déjà vu. Mais j'ai trouvé que ça prend un peu de temps. Mais bon, je pensais que t'allais jamais l'avoir. Non, ça va. Mais ça a compliqué. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu veux dire? La chorégraphie que toi tu fais, est-ce que c'est repris dans d'autres groupes ou si tu travailles juste pour toi et tes compagnies? Je travaille juste pour moi et mes compagnies. Ouais. Okay. Parce que sur chaque projet sur lequel je travaille, c'est complètement différent. Okay. C'est, Alors, tu as su donner des signes distinctifs ouais. à chaque... Et le groupe qui correspond le plus à mon identité, où vraiment, là, je fais vraiment... où c'est moi, c'est Punish Yourself. We're gonna make it. Quand je suis sur le bal, c'est la musique est différente, tu vois, c'est plus de l'interprétation, c'est on fait des reprises, donc on avait repris un morceau de Marilyn Manson, Beautiful People, ouais. Et là je m'étais inspiré de. Et les gens ont apprécié parce qu'il y a eu plein de commentaires. Ouais. Ouais. Et je m'étais inspiré de Anne-Marie Chouinard, oui. Qui avait fait un ballet Body Remix, où justement on voit tous les danseurs en béquille et du coup ça m'a inspiré quoi. Ouais. Et d'ailleurs quand on avait joué au cabaret du Milan, il y a une nana qui est venue me voir et elle me disait ouais tu connais Anne-Marie Chouinard. Ah, c'est bien de voir que tu as des références et que ces références-là ont été reprises par les spectateurs qui ont vu quoi. Oui, c'est ça. Ce genre de retours qui sont très qui sont bien quoi. Oui, oui, et c'est flatteur pour toi. Bah ouais, ouais, carrément. Puis en même temps, est-ce que tu crois que à force de puiser sur les autres et de faire toi-même tes choses, ce que tu fais, ce que tu proposes au public a été sans doute repris par n'importe quel chorégraphe danseur? Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui s'impressionnent de ce que tu fais comme travail? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas, j'ai pas vu. Je sais que j'inspire pas mal de nanas à qui ça a donné envie de faire des choses. La meuleuse, c'est pas ma marque de fabrique parce que ça existait déjà, tu vois. Mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus sur des festivals. Alors est-ce que c'est moi qui ai inspiré ça ou est-ce que les nanas, c'est peut-être des Américaines ou des Anglaises qui font ça parce que bah, chez eux, c'est normal, se fait, quoi, tu vois. Donc je sais pas trop. Après, je sais qu'en France, ouais, j'ai inspiré. Il y a eu une époque, les tenues que j'avais sur scène, je voyais beaucoup de nanas qui arrivaient habillées pareil, quoi. Mais sans te le dire, ils te le disent. Sans pas, me le dire. Il y en a une fois qui me l'avait dit, quoi. Donc, et après, en même temps, c'était un style qu'on voyait un peu cybergoth, tu vois, où on voyait les nanas en tutu et en corset. Et toi, moi, je m'habillais pas du tout comme ça dans la vie de tous les jours, mais c'était mon costume de scène et les filles, je les voyais arriver comme ça. Et toi, comment tu prenais ça? Ça devait être un velours d'apprendre que ces filles-là. C'est touchant, ouais. Oui. Ouais, il y a des fois, on a des témoignages qui sont assez touchants, quoi, de gens qui écrivent des lettres ou des petits jeunes. Des jeunes ados de 16 ans qui tombent amoureux de toi. Et voilà, quand tu sais que tu fais partie du fond d'écran. Ah oui, ok. De... Oui. Donc c'est rigolo, quoi. Ah, mais c'est bien. Parce que moi, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, quoi. Tu lances quelque chose et puis c'est reçu comme ça peut être reçu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, moi, à mon époque, il n'y avait pas ça, tu vois. Il n'y avait pas Internet, on n'avait pas les téléphones portables. Donc, on parle comme des vieux et des vieilles. Mais c'est vrai que maintenant, il y a ça. Et c'est une belle vitrine aussi, c'est une belle publicité. Et du coup, on est vu beaucoup, quoi. Oui, c'est vrai que quand on tape mon nom sur Internet, ben voilà, il y a des millions, il n'y a pas des millions, mais il y a des milliers de photos qui sortent, quoi. Ouais. Et c'est génial, quoi. C'est génial parce qu'on, du coup, on se dit que malgré nous, alors qu'on a fait ça comme ça sur l'instant, parce que ouais, je suis quelqu'un d'instinctif. Ouais. Ben on peut marquer une génération aussi ou une époque, quoi. C'est faire partie d'une scène et c'est y a des choses, je me rends compte de ça aujourd'hui, quoi. Mais c'est avec le recul, c'est avec les années. C'est avec le recul. Parce que quand t'es en plein dedans, avec les... Puis quand on croise les gens aussi, quoi. Ah oui, c'est la réponse. Tu vois. Mais j'aurais jamais pensé que... Je pensais que j'étais inconnue, tu vois. Quand tu voulais me voir, j'étais là, je me disais, mais pourquoi il veut me voir, quoi, tu vois. Ben, en fait, c'est des liens, hein, parce que tu fais partie de mes amis Facebook grâce à des gens que j'ai rencontrés des années précédentes. Ouais. Donc, c'est toujours tu connais Pacombe? Ouais, je sais pas. La danseuse chanteuse, là. Ouais, ouais. Bon, ben, je l'ai rencontrée l'année dernière. Julia Paco, je crois. Je vois pas. Parce que je regarderai. Oui, moi, c'est une danseuse qui fait du rock sexy. D'accord. Et voilà, c'est ça. Et j'ai 10 questions de la fin, on va voir où ça nous amène. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, je serais de l'eau. Je serais l'océan. L'océan. Oh, hein, quand même, on prend pas n'importe quoi. Ouais, non, tant qu'à faire. Si tu étais une ville. Si j'étais une ville. Ah, je serais Bronte. Bronte. Bronte, en Sicile. Parce que tu connais très bien. Parce que c'est ma ville. Ok. Et ça te rappelle ton enfance. Ouais. De très bons souvenirs et... Est-ce que ça a bien vieilli? Ouais. Ah ouais? Ça s'est agrandi. Pour le mieux? Ouais, pour le mieux. Pour le mieux des gens. On est au pied de l'Etna, c'est le pays de la pistache, c'est un des premiers producteurs de pistache dans le monde. Et toi, quand tu y retournes, est-ce que tu retrouves ton enfance ou, Oui. Ben, pendant 22 ans, je ne suis pas retournée. J'y suis retournée il y a 3 ans et j'ai vu la ville avec un regard d'adulte parce que la dernière fois où j'étais allée, j'avais 14 ans. Ouais. Et voilà, pour moi, c'était le jeu, mes cousins, la rue, et donc c'était grand, quoi. C'est toujours la même chose? Et c'est toujours la même chose, ouais. Ça n'a pas changé. Les gens ont grandi, les gens ont vieilli, mais... je suis contente de vivre en France. C'est de plus en plus touristique aussi, hein? Ouais. Ouais. Et ouais, vu que c'est devenu... je sais pas si ce sont les cinquièmes producteurs... De pistache? De pistache, ouais. Ils sont très connus pour les desserts. Ouais. Et du coup, ouais, c'est devenu très touristique, quoi. Et donc, ça t'a pas déçu de revisiter l'endroit où t'es? Non, parce que du coup, j'ai connu, mon père m'a fait visiter la ville, m'a raconté l'histoire, donc il y a des choses que je ne savais pas. Et c'est, ouais, c'était super de revoir sa famille, ses cousins. On ne s'est pas vu pendant 20 ans. Oui, mais c'est ça, après et avant. C'est... Ouais. Si tu étais une langue. Une langue? Ben, italienne. Ah oui, tu la parles? Ouais. Très bien? Non, pas très bien, mais je la comprends bien. Et voilà, il faut que... Il y a la timidité qui fait que ça bloque un peu. Mais ton père et ta mère, est-ce qu'ils parlent entre eux en italien? Non, ma mère, elle ne parlait pas italien et mon père ne m'a pas parlé italien parce que c'est parce que c'était un immigré et que... C'était mal vu? C'était mal vu, ouais. Donc on a quand même nos deux prénoms italiens. Ouais. Mais c'était mal vu... On nous parle italien, donc j'ai surtout appris l'italien parce que je passais tous mes étés en Sicile. Donc voilà, mais là j'ai surtout appris le patois, quoi. Okay. Donc quand je suis arrivée à l'école et que j'ai commencé à parler italien, on ne comprenait pas trop. Non. Et c'est vrai que maintenant le patois je le comprends moins bien, mais l'italien je le comprends bien. Et puis voilà, il faut que je m'y mette. Je suis souvent en contact avec mes cousins, donc on s'écrit pas mal, quoi. On arrive à me comprendre. Arrives-tu à suivre le cinéma italien qui parle très rapidement? Tu dois t'y perdre un peu? Je m'y perds un peu, ouais. Oui. Même les sous-titres, moi, quand j'essaie de suivre... Je regarde les sous-titres, ouais. Après, j'ai besoin, si c'est écrit en italien, j'arrive à comprendre, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, les mots sont mâchés. Hein? C'est d'une rapidité, l'Italie. Ouais. Si tu étais une époque... Si j'étais une époque, je serais les années 20. Pour la musique, le style des vêtements, j'adore l'époque cabaret, le Charleston. Est-ce que tu le danses des fois? Oui, je l'ai dansé, ouais. Okay. Sur Punish à un moment donné. Oh, c'était bien rock'n'roll. Intéressant. C'est un Charleston assez agressif. Ah oh, oui, ok, unique. Unique et singulier. Non, c'était vraiment selon les bases du Charleston? Oui. Ok, je pensais que tu l'avais comme improvisé, tu avais une base de Charleston. Non. Ok, c'était vraiment les bonnes les racines. Si tu étais un mot. On va pas rester là parce que j'ai pas. Waouh. Moi, je vous laisse. Pardon? J'ai dit waouh. Waouh, ok. Je sais pas. C'est un onomatopée. Ouais. Non, je dis waouh parce que je trouve pas le mot. Okay. C'est très dur. Waouh. W-O-W. Waouh. Wow. Un peu comme des bandes dessinées. Là, wow, ouais. Si tu étais un aliment. Un animal. Non, un aliment. Un aliment. Bonne question. Du poisson. Lequel, n'importe lequel? L'espadon. Oh, okay. T'en manges régulièrement? Non. Ok, c'est pour ça. Mais j'adore. Si tu étais une saison. Une saison. L'été. Ben là, ouais. À l'Italie, l'été. They play that games of power. They un membre corporel. Il y avait la parade. Ah oui, c'est ce qu'elle nous dit. La Gay Pride. Oui, la Gay Pride. La Gay Pride. Les yeux. Les yeux. Mais parce que c'est l'âme qui... Je vous disais à Robert... Si tu étais un moment de la journée. L'apéro. 18h. Ouais, il fait bon à cette heure-ci. Ah oui, oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Puis c'est moins chaud. Ouais. C'est moins chaud. Si tu étais un autre individu. Donc je cite un nom? Bah oui. Nina Hagen. Ok. Pour son cheminement, pour sa voix. Pour ouais, ça a été mon général. Mentor. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Quand j'étais ado, quoi. Je rêvais d'être Nina Hagen. Et qui roule encore, Nina ouais. Hagen. Et je me dis que j'en suis pas très loin, finalement. Non. Je suis sur scène, oui. Je chante, je danse, je suis complètement excentrique. Oui. Donc, ouais. Quelle voix, Nina Hagen. Ouais, quelle voix. J'ai pas sa voix. Mais c'est ça. Est-ce que un jour, tu t'attends à faire de la musique, à chanter? Ben, grâce au bal, j'ai fait mes premiers pas en chant. Oui, mais on peut pas trouver de disque. Et non. Ouais. On m'entend pas. Ouais. Sur le dernier DVD, on me voit en vidéo en train de chanter. Okay. C'est très dur hein, de se voir oui. chanter. Oui. C'est très très dur. Mais ouais, je commence à faire mes petits pas en chant quoi. Donc j'ai pas encore de groupe. Je n'arrive pas à écrire, j'ai pas l'inspiration. Alors ah, ce sera en anglais sans doute. Je sais pas. Ah, en italien. Ou en italien. Comme Nina Hagen. En allemand. En allemand, Nina c'est Hagen. Très dur ah, oui. L'allemand. Ah oui, oui, mais ça donne une voix tellement. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir. Écrire, alors peut-être que ça me viendra à un moment donné, l'inspiration. Et pour le moment, je me contente de faire de l'interprétation. Comme ça, j'apprends et je visite pas mal de registres, quoi. Donc, je suis comme une petite fille, hein. Je suis avec mon micro chez moi, oui. dans ma petite le cabine. Miroir. Le miroir. Oui. Pas toujours le miroir, okay. Mais il y a des moments, il faut le miroir pour voir un peu oui. comment on fait, quoi. Ben, surtout, qu'est-ce que tu projettes. Ouais. Hein, c'est important, trop, ouais, trop loin. C'est et ça. Donc, ouais, je. Est-ce que je projette ou. ouais. Est-ce que. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ouais. Il y aurait peut-être des choses que je ne referais pas. Ok. Et mais. Plus jeune. Mais ouais, peut-être plus jeune, ouais. Il y a des chemins que je prendrais, quoi, que je prendrais quoi autrement. Que quoi. Si t'es devenu ce que tu es, c'est à cause aussi, de ouais. ça. Mais ouais, il y aurait peut-être des choses que je ne ferais pas, ou du moins je les ferais autrement, quoi. Peut-être plus réfléchis et... Mais quand on est ado, on n'y réfléchit pas, ouais, on se lance voilà, dans quoi. L'eau, même si on sait qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est ça. Ah bah, de toute façon, j'avais pas trop le choix, donc... Pas trop le choix? Bah, pas trop le choix par rapport au contexte où j'étais, comment ça se passait, donc j'ai fait avec mes armes, en fait, hein. Je me suis défendue... C'était une révolte intérieure. Carrément, ouais. Donc je me suis défendue comme j'ai pu, quoi, et c'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont appris la vie, qui m'ont appris à grandir, qui m'ont fait confiance, et c'est grâce à toutes ces personnes que je suis là aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu te prépares à faire dans les années qui viennent? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu veux changer peut-être de trajectoire ou tu veux continuer dans ce... Non, je vais continuer jusqu'à ce que je n'en puisse plus la scène, okay. quoi. C'est-à-dire, plus. Bah, jusqu'à ce que je... Ouais, voilà, ouais. Okay. Que les coupes s'arrêtent ou... Tu vas te lancer peut-être dans le côté plus vestimentaire de la scène en avant. Ben, j'aimerais bien, comme je te disais, ouais, donner des cours de patronage après à voir où ça me mène. Quoi, ouais. Tu vois. J'ai envie d'aller dans la transmission. Okay. Donc aussi bien dans la transmission du patronage, quoi, du modélisme dans la mode, la que dans la transmission la de la danse. Et, donc voilà quoi, peut-être monter un cabaret, monter un spectacle, je sais pas. C'est des choses, des idées auxquelles je commence à penser et... Pourquoi? Parce que tu sais que la fin approche? Non, la fin elle approche pas, mais après je vois que bon ben là j'ai une bonne année qui va être bien remplie avec Puniche jusqu'à fin décembre. On a le bal qui démarre en 2016 et ça va être une grosse année. Et donc voilà, il faut que je voie pour la suite aussi, quoi. Et c'est bien aussi de faire des choses à côté pour voir d'autres personnes et continuer à s'enrichir et d'apprendre et voilà, quoi. Et sur Paris... jusqu'à combien de temps pour danser? Parce que la danse, quand même, ça demande beaucoup, beaucoup de ton physique. Ben écoute, je ne sais pas. Je verrai bien. C'est ça, tu laisses aller. Pour l'instant, j'ai les dix années qui suivent, je me vois bien danser encore. Quoi. Après, on gère hein, avec l'âge. On danse de différentes manières. Ouais. Tu vois, on préserve son corps. Et là, ce qui est important, c'est la présence et l'énergie qu'on donne sur scène. Quoi. C'est vrai. Donc, c'est vrai que le chant, c'est une bonne alternative aussi. Ça permet de se reposer et de danser aussi. Quoi. Donc, ouais, non, je me vois bien encore. Plusieurs années. Ouais, les 10 années qui suivent, encore en train de danser. Après, quand j'aurai passé la barre des 50 ans, on en reparlera. On fera un résumé de ce qui s'est passé, voir ce qui s'est passé de 40 à 50 ans. Puis, c'est ça. Puis, d'ici ce temps-là, tu prépares une tournée à Québec, au Québec, avec la photo ou pas? Non, moi, j'y vais pas. Ah. Cette année, je serai pas avec eux. J'y étais il y a 2 ans parce qu'il y avait le bal des enragés, ouais. Donc du coup, okay. Je suis restée et je m'occupais de leur merchandising. Et cette année, j'y vais pas. Alors ton copain, lui, il rentre tourné, mais pas toi. Ouais. Il va travailler des photos. Hein. Ouais, il va voir. Je pense que je vais suivre l'actualité et sur Facebook. Avec Facebook, tu peux être collé sur le spectacle à la minute près. C'est clair. Ben merci d'être passé à mon émission. Ben, avec grand plaisir. Puis écoute, on se retrouve peut-être sur scène lorsque tu feras des tournées ou parce que l'été c'est le moment stratégique où tu prépares des trucs. Ouais. Puis à Paris, est-ce que tu tournes souvent ou... Paris, ben là on joue le 3 juillet à Issy-les-Moulineaux, quoi, c'est la banlieue. Bon, on peut y aller en métro. 3 juillet à quelle heure? 3 juillet à Issy-les-Moulineaux à l'espace Icare. Ok. Ah ben je vais regarder ça. Ouais. Parce que je m'en vais le lendemain. Ah ben ça, ouais. C'est intéressant d'y aller. Oui. Ben tu me dis si tu veux venir. Ok. On essaie de s'arranger. D'ici demain, je vais revisiter ça. Ok, parfait. Ah, ben c'est ouais, bien. Ça serait bien. Oui, ça serait bien. Avec quoi, c'est quoi le concept? Alors, je vais être très nulle dans l'histoire parce que je sais que c'est un festival. Non, mais toi, tu es avec ton groupe. Je suis avec le groupe, là. Je suis avec Punish Yourself. OK. Donc, ben, ça va être de la danse, de la pyrotechnie. Il va y avoir le second performeur, donc ça s'appelle Fafa, qui sera là aussi. Donc, on sera deux sur scène avec le groupe. Et ça va envoyer sévère. Il va faire très chaud, je pense. Oui, mais en fait, très chaud en réalité aussi. Là, ouais. Parce que... il fait déjà très chaud dans la salle en plein hiver, alors je pense qu'en plein été... OK, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Ouais. OK, ouf. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est un peu punk ou techno? C'est punk, indus, metal, rock, disco. Ah, il y a des grosses chances que je sois. Ouais. Ah oui, OK. Puis Niche, ouais, c'est un bon mélange, c'est un bon cocktail, Molotov. OK. T'en prends plein la gueule, quoi. Mais est-ce qu'on peut ramener des CD, des trucs après? Oui. Oui, OK, parfait. Ben, je vais y être. Il y a des grosses chances. Je vais t'envoyer des infos d'ici demain. Ben, même si tu veux interviewer le groupe, on peut peut-être s'arranger, quoi. OK, oui, il n'y a pas de problème. Je vais regarder ça attentivement. Je vais voir horaire, puis ça m'intéresse. Moi, je ne sais pas encore à quelle heure est le get-in et tout ça, mais je pense que ça va être dans l'après-midi. Après, je n'ai pas les horaires, en fait. Okay. Je pense qu'on risque de jouer vers la fin, à mon avis. La fin, c'est quoi, 22, 23? Ouais, c'est plus ça, ouais. OK. 22, 23 heures, en fait. Je pense qu'il y a une bonne heure et quart de concert, quoi. Ben, merci d'être passé à mon émission. Ben, merci de m'avoir accueilli. Et on se retrouve peut-être à Montréal. Ben, j'espère bien. Au Foufoune. Au Foufoune, peut-être en 2016 avec le bal. Oui, ben oui. Ça serait génial. Ben oui, c'est même pas d'ici un an. Mm. Et l'intérêt sera de voir la progression jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ben, j'ai très hâte de te voir à Montréal. Ben, pareil. Ben, tourlou. Merci. J'adore ce pays. My babe, a low fun.